Chapitre 4. Suzanne dormit à peine. Aux premières lueurs de l'aube incertaine, le sommeil s'enfuit sans retour. Elle se leva, s'habilla et descendit dans le jardin. Déjà, la porte de la villa était ouverte. Ce détail ne la frappa point, car son père sortait le plus souvent dès le petit jour pour surveiller le travail de ses chevaux. Cependant, le matin des grandes épreuves, les purs sangs restaient dans leur box. Barclay, un peu nerveux la veille, avait dû se rendre aux écuries afin de donner un dernier coup d'œil à ses pensionnaires avant l'embarquement. La jeune fille suivit un moment les allées humides de rosée. Au bord de chaque feuille, un diamant liquide tremblait au souffle de la brise chargée des parfums de la forêt. Les oiseaux éveillés chantaient à tue-tête et les rayons obliques du soleil, émergeant à peine au-dessus de l'horizon brumeux, allongeaient sur le sol l'ombre fantastique des grands arbres. Suzanne se trouvait dans une disposition d'esprit singulière. Elle se sentait oppressée, inquiète. Il lui semblait qu'en cette journée du grand stiple, son bonheur futur allait être menacé. Elle ne pensait à son fiancé qu'avec une sorte de crainte confuse, comme s'il allait tenter quelque fabuleuse aventure. Elle avait cependant une confiance absolue dans l'habileté extraordinaire de Marolle. Élevée dans un milieu d'entraîneurs et de jockeys, elle était capable d'apprécier ses qualités d'écuyer. En assistant assidûment aux courses, elle avait eu maintes occasions d'admirer la science incomparable de Jean. Cependant, sa raison de femme énergique et bien équilibrée ne parvenait pas à chasser cette impression fugitive. Le danger était tout proche. Quel danger? Il lui était impossible de le préciser. Mais elle sentait le malheur rôder autour d'elle. Comme elle arrivait à l'entrée de la cour, elle aperçut, juste en face d'elle, la porte de la sellerie ouverte et son père qui paraissait examiner avec attention un harnachement posé sur un chevalet. La jeune fille traversa lentement l'établissement désert. Barclay, très absorbé par une besogne délicate, ne l'entendait point venir. Penché vers la selle, il maniait les courroies avec des gestes fébriles et hâtifs, comme s'il craignait d'être surpris. Tout à coup, une ombre opaque intercepta la lumière, tandis qu'une voix fraîche lui disait « Bonjour, mon père !» L'entraîneur se redressa vivement en poussant une exclamation. Son visage bouleversé reflétait la crainte et la fureur. Dans son mouvement rapide, il laissa tomber à ses pieds un instrument d'acier, une lame affilée qui ressemblait à un tranchet, et qui rendit sur le pavé un son argentin. « Que fais-tu là, Suzanne ? » demanda-t-il d'une voix altérée. « Tu viens m'espionner ? Pourquoi n'es-tu pas couchée ? Est-il convenable qu'une fille de ton âge se promène ainsi, toute seule, à 7 heures ?»« Mais, mon père, » répondit Suzanne, stupéfaite de cet accueil, « je vous ai aperçu dans le jardin. Je ne croyais pas mal faire en venant à vous. C'est bon, c'est bon. » dit le vieux Tom, qui avait repris son sang-froid. « Je vérifiais par moi-même le harnachement de Villard. » Tout en parlant, il était sorti de la sellerie. D'une poussée brusque, il en fit claquer la porte, la ferma à double tour et mit la clé dans sa poche. Puis s'adressant à sa fille avec une gaieté affectée, « Bonjour, petite, » lui dit-il. « C'est égal, tu m'as fait joliment peur. Allons déjeuner. » Et à grands pas, il se dirigea vers la maison. Suzanne attribua la nervosité soudaine de son père à l'angoisse professionnelle qui prélude aux grandes épreuves. Cependant, elle convenait en elle-même que jamais il ne s'était à ce point départi devant elle de son flegme britannique. Était-il donc inquiet sur le succès de son cheval? Sa pensée, constamment occupée de Jean, s'envola vers son fiancé. L'inquiétude inaccoutumée de l'entraîneur concordait avec ses craintes instinctives. Elle ne vit pas un seul instant la défaite de Villard, mais son esprit évoqua des scènes plus tragiques. Elle aperçut, comme dans une hallucination, la grande rivière d'Auteuil et le peloton serré des concurrents qui l'abordaient d'un train fou. Il y eut un tourbillon, un choc effroyable, et soudain, sur le sol, un chaos d'hommes et de chevaux. Toute cette masse roulait sur un cavalier tendu dans l'herbe, l'écrasait, tandis que la foule hurlait d'épouvante. Et ce jockey était précisément revêtu de la casaque rayée béret blanc du marquis de Vernières. La jeune fille frissonna. Toute la matinée, tandis que Barclay s'occupait de cette opération délicate de l'embarquement des chevaux dans des wagons spécialement aménagés, l'image de l'accident terrible qu'elle avait entrevu la poursuivit au point de devenir une obsession tyrannique. Elle essaya de la chasser en s'occupant avec activité des soins du ménage. Puis, elle tenta de se raisonner, d'analyser les chances, de se rappeler la sûreté triomphale de Villard sous l'obstacle et la maîtrise de son cavalier. Elle était invariablement ramenée par son raisonnement à creuser un problème insoluble pour elle. Pourquoi son père était-il inquiet? Pourquoi s'était-il levé de si grand matin après avoir veillé une partie de la nuit avec Jim Hawkins? Que venait faire ce sinistre personnage? Qu'avait-il à dire? Enfin, qu'allait faire l'entraîneur dans la sellerie tout seul? À quel travail mystérieux se livrait-il donc pour craindre l'espionnage? Le déjeuner, rapidement expédié par Barclay comme une formalité secondaire, apporta une diversion passagère à son malaise. Le vieux Tom avait retrouvé toute son assurance. Suzanne remarqua même qu'il manifestait une jovialité dont il n'était pas coutumier. Il avait l'air content de lui. Ses petits yeux riaient entre les bourrelets de chair de ses paupières, et par instants, une sorte de rictus sardonique, retroussant ses lèvres, découvrait des dents de carnassier. « Eh bien, fillette, lui dit-il au moment où le repas touchait à sa fin, viens-tu avec moi ?» Biribi a une chance dans la première course, et Arsenic pourrait bien gagner la seconde. En tout cas, les épreuves sont intéressantes. « Non, répondit Suzanne, je préfère n'arriver que pour le Grand Prix. Avant le départ, je serai forcément un peu nerveuse, et je craindrai d'influencer Jean. » À ton aise, quoique Domarol soit un gaillard assez difficile à influencer. Enfin, fais comme tu l'entendras. À tout à l'heure. Barclay partit. La maison, un moment animée par son activité bruyante, redevint silencieuse. Les écuries et les communs, privés d'une partie de leurs habitants, semblaient tout à fait déserts. On n'entendait aucun bruit. Dans le calme imposant de la campagne inondée de lumière, Suzanne distingua longtemps le roulement lointain du tonneau de son père et le trot saccadé de son poney. La jeune fille prit son ouvrage et s'assit au fond de cette charmille où Jean aimait à faire avec elle des projets d'avenir. Cachée par une haie épaisse, enfouie sous les grands arbres, cette retraite fraîche et discrète, surplombant le chemin, était invisible pour les passants. Dès qu'elle fut seule, la jeune fille renoua le fil de sa rêverie. Au bout d'un moment, sa broderie avait glissé sur ses genoux et tomba. Les mains jointes et les yeux perdus dans la contemplation du paysage, elle réfléchissait aux événements de la matinée. Soudain, un bruit de voix frappa son oreille. Deux promeneurs passaient sur la route et le nom de Villard, qui revenait sans cesse dans leur conversation, éveilla son attention. Presque inconsciemment, elle écouta. « Je t'assure, disait-on, que Villard est imbattable. Allons donc, Bagatelle se promène. J'en sais quelque chose, puisque c'est Harkins qui la monte et qu'il me l'a donnée comme une certitude. Bagatelle, jamais de la vie. Je te dis que c'est couru. Villard tombe à la rivière. Alors, il y a un coup, parbleu. C'est facile à dire, mais tu sais aussi bien que moi que Marol est incapable de fausser une course et de tirer son cheval. Marol ne sait rien. Ah, bien, malgré ton tuyau, je jouerai Villard. Je te dis qu'il est par terre. Quelle blague. Ce n'est pas une blague. Villard tombera. Jamais de la vie. Je te donne Bagatelle à 10-1. Mais idiot, puisque je te dis qu'il y a un coup. Un coup? Eh bien, mon vieux, si tu crois que je coupe là-dedans, moi, écoute un peu. Il y eut un silence. L'interlocuteur promenait évidemment ses yeux autour de lui pour s'assurer que nul indiscret ne pouvait l'entendre. Il ne vit pas la jeune fille cachée par le feuillage de la haie. L'homme baissa la voix. Néanmoins, ces mots parvinrent aux oreilles de Suzanne avec la netteté d'un coup de clairon. Les étrivières de Villard ont été sciées aux trois quarts. Au premier effort, tout casse et le bonhomme est par terre. Comprends-tu maintenant? Suzanne, un moment, resta atterrée. Puis tout à coup, le voile qui enveloppait ses craintes vagues, ses doutes, ses incertitudes, se déchira. La scène de la matinée passa devant ses yeux avec la rapidité d'un éclair. Elle avait vu son père, penché sur le harnachement de son fiancé, coupant les courroies qui retenaient les étriers. Elle comprit alors son trouble, sa colère, cette accusation d'espionnage qui lui avait jeté à la face. À ses oreilles tintait encore le bruit argentin du tranchet tombant sur le pavé. Un moment, elle resta sur le banc, muette, le cœur étreint d'une douleur si intense qu'elle crut s'évanouir, mourir, rouler dans un précipice sans fond. Il y eut en elle un tel chaos d'idées, de sentiments, de souvenirs, qu'elle perdit un moment la notion du monde. Elle n'avait qu'une pensée, précise, implacable, comme ces arabesques flamboyantes qui se dessinent et se meuvent sous les paupières quand on ferme fortement les yeux. « Jean va mourir, Jean va mourir !» Cette phrase elle-même revenait avec une sorte de rythme marqué par les battements précipités de son cœur. Mais dans son immense désolation, une lueur apparut, une lueur d'espoir, d'abord faible et vacillante, qui l'illumina soudain et réveilla dans son esprit affolé l'énergie en déroute. Elle allait se rendre à Auteuil, assister à cette course. Elle verrait donc Marol, le préviendrait, on changerait ses étrivières fatales. Ah, comme elle se souciait peu de son père en cette minute décisive. Son affection filiale était abolie. Elle irait jusqu'à le dénoncer elle-même, si c'était nécessaire, pour sauver son fiancé. Le souvenir seul de Barclay lui devenait odieux. Cet homme qui, lâchement, pour la simple satisfaction de sa cupidité, condamnait à mort un autre homme, son futur gendre, et qui, froidement, préparait son forfait dans le silence de la sellerie déserte, cet homme ne lui était plus rien. Il avait brisé tous les liens humains. Ce n'était plus pour elle qu'un être malfaisant, une bête enragée, à qui chacun devait courir sus, un assassin. La nature énergique de Suzanne secoua la torpeur douloureuse qui l'accablait. Un besoin de lutte décupla son ardeur combative. Il fallait sauver celui qu'elle aimait. Ses forces revinrent avec sa lucidité d'esprit. Elle se dressa, courut vers la maison, se coiffa la hâte d'un chapeau pris au hasard dans une armoire. En quelques minutes, elle fut à la gare et sauta dans le train qui l'emporta vers Paris. Alors, quand elle ne se sentit plus soutenue par la nécessité d'agir immédiatement, elle s'abattit en sanglotant sur les coussins du wagon.